Je ne pourrai jamais être ton mari. Y'a que deux mariages, je suis amoureux. La vie a un sale goût amer. À cause d'une bécane, un frère à moi est mort. On a été obligé de charbonner, t'enculer. Les gars du 7 ont bien changé la donne. Tu le savais, t'as beau les mains en pointeux. Ma tasse par sac sur les côtés. Enfin, je récupère, je distribue. Qu'à feu, je tasse à mes arrêts. Moi, j'ai pas bougé du quartier. Mais je compte plus sur le bénéfice des quêtes plats. Et j'en revends pour que j'en ai plus. Et je regarde tous ceux qui veulent ma place. Y en a jamais assez. Le peur assez lassant. Si dans 3 mois j'ai pas percé, me remets à revendre la scène. Qu'est-ce que j'ai commencé à bouger dans le bas de la maison. Ma capuche, j'en détaille plus, j'en rabats plus, j'en revends plus. Je veux manger plus et j'en veux plus. Je suis beaucoup plus, je veux grimper ma fesse. Je suis grimper ma fesse, donc j'en fais deux fois beaucoup plus pour pouvoir manger deux fois plus. Et y'en a jamais assez. Le peur assez lassant. Si dans 3 mois j'ai pas percé, me remets à revendre la scène. Et ceux qui m'ont aidé, moi je les ai trouvés dans la rue. Jusqu'aujourd'hui je suis avec des aidés. Les teutés du rinté comme des ratés. On va tout prendre un rame, regardez comment faire. On manie la lame, mieux que Jackie Chan. 500 E sur 100 grammes, faut mettre bien celui qui guette. Oui t'es mort si lui il se gâte. C'est comme les condés en quête, toi tu fais que changer de plaque. Une autre meuf, une nouvelle plume, plus de veneux, plus de problèmes. Plus de bosseurs, plus de descente, qu'il y a plus de poucaves. C'est pour ça que tu parles ton mari. Moi j'ai les deux pieds dans la merde. Et tous les jours que ça empire, empire. Et toi tu veux me faire croire que t'es prête. Y'en a jamais assez. Le peur assez lassant. Si dans 3 mois j'ai pas percé, je me remets à revendre la scène. Qu'est-ce que j'ai commencé à bouger dans le bac jamais sans ma capuche. J'en détaille plus, j'en rabats plus, j'en revends plus. Je veux manger plus et j'en veux plus. Je suis beaucoup plus, je veux grimper ma fesse. Je suis grimper ma fesse, donc j'en fais deux fois beaucoup plus pour pouvoir manger deux fois plus. Et y'en a jamais assez. Le peur assez lassant. Si dans 3 mois j'ai pas percé, je me remets à revendre la scène. Tell me in the trap.